Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Peinture, gravure sur paroi rocheuse, toute l'Australie vue par son peuple. Le peuple qui était présent avant l'arrivée au XVIIIe siècle des premiers Européens. Ce sont bien les aborigènes. Ils étaient, semble-t-il, 350 000 vivant dans 630 tribus et parlant près de 500 dialectes. Peuple né sur les lieux de rêve, le grand rêve, les terres tribales, la sérénité, l'homme youlou, l'homme initié, chaque mythe devant être suivi par un groupe de jeunes gens avec des hommes âgés. Les aborigènes et la peinture au sol, la transmission des traditions, des rites religieux, les boomerangs et les propulseurs de flèches. Voici Nuit magnétique, les aborigènes d'Australie par Jean Dève, première diffusion sur France Culture le 5 octobre 1983. Bonsoir. Les aborigènes d'Australie. Now we're going to go on in and bos ngorian na ondel tingor ga yan bele ka o mereo mare mere wange la ngara martin mitin lo ka ngona lo ngara mitin ngora la mangit pin half a english ko dar ko ka wa ap jeng re ko mangit pin ko na tin ko nan balanda ka yul ngo ramangin balanya mere ngona nawe ko nan balanda ka yor mo marchen wo mere wange mere mere ka korkun ara mangit tina ya krat tina mari la la ha pngara ko mangit tina ndo na ko rom ko numalang kala ngo balanda la ngo ka yor mo araken kala ngo rom ko Je rappelle que l'Australie, bien sûr, c'est une île continent de 7 700 000 km², c'est-à-dire 14 fois et demi la France exactement, la superficie des États-Unis, sans l'Alaska. Et à l'origine, les aborigènes étaient dispersés sur ce vaste continent qui est un continent aride, qui est aux deux tiers désertique. Ce sont surtout les zones côtières, la côte est qui est fertile. Alors les aborigènes sont sur ce continent depuis très longtemps, on ne sait pas exactement depuis très longtemps, chaque décennie on repousse la date de leur arrivée. Et vers les années 1950, on avait situé leur arrivée à 12-15 000 ans. Vers 1965-70, à la suite de fouilles qui avaient été faites par le professeur McIntosh au lac Mingo, on était arrivé à 30 000 ans. Maintenant on en est à 40 000 ans. Alors, je ne sais pas si ce jeu-là va se poursuivre encore très longtemps, mais il est très possible, n'est-ce pas, la surface de l'Australie étant tellement grande et relativement peu prospectée au niveau de fouilles. Il faut des raisons pour fouiller, on ne fouille pas n'importe où. Il est très possible qu'un jour, on arrive à des conclusions encore beaucoup plus antérieures. Tous les chants, danses, peintures, cérémonies traditionnelles appartiennent aux clans tribaux des territoires aborigènes. Les héros légendaires du Dreamtime, le temps du rêve, dont est issu tout aborigène, les ont créés, ensuite distribués aux clans dépositaires. Les chefs ont donc le devoir sacré, transmis depuis des générations, de les préserver. Pour réunir les participants à l'invitation du Festival d'automne à Paris, les chefs des communautés, Gawirin Gumana, de la terre d'Arnhem, de la côte nord, que nous avons rencontré longuement, et Maurice Jupurula Luther, du désert central, qui nous fera découvrir la peinture au sol réalisée pour le musée d'art moderne, ont dû consulter les autres chefs religieux pour déterminer le choix des danses et des chants. Des séquences de « Ma mère, la terre », film de Silas Roberts, un ancien de la tribu des Alawa, et des diapositives commentées par Cliff Coulthard, qui appartient à la tribu Anamata de l'Australie du Sud, ponctueront les interventions de deux ethnologues, Jean Guillard et Jacques Villemot. Alors d'où viennent ces aborigènes ? Jacques Villemot. Certains avancent l'hypothèse maintenant, mais ça serait très drôle et on n'y croit pas, qu'ils sont peut-être originaires d'Australie. Et au fond, pourquoi pas ? On a toujours tendance à chercher des relations avec un nid de civilisation, une origine de l'homme, mais l'homme a pu apparaître dans différentes régions du monde. Mais enfin, ça c'est autre chose. On pense qu'ils sont originaires du sud-est de l'Inde. On a trouvé quelques ressemblances avec les Védas de Ceylan, qui sont d'ailleurs peu nombreux maintenant. Il est supposé qu'ils étaient peut-être originaires du sud-est de l'Inde. Ils seraient arrivés en Australie avant la dernière période glaciaire, c'est-à-dire une période où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Certaines îles, qui sont des îles maintenant, étaient reliées. Par exemple, à cette époque, la Nouvelle-Guinée était reliée à l'Australie par le plateau du Sahul. Il n'y avait plus que des petits bras de mer, ce qui permettait, même sans être navigateur, une progression vers le sud. On peut donc imaginer qu'ils sont arrivés par cette voie-là, en passant particulièrement par la Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée qui a servi de plate tournante, en fait, aux différentes migrations du Pacifique. Alors, l'aborigène australien, quel est-il? Comment se présente-t-il? En fait, il y a peu de différences physiques. Néanmoins, on distingue trois types un peu différents, un type un peu négritos, un aborigène à la peau foncée et un aborigène à la peau beaucoup plus claire. Certains voient là l'origine de trois migrations successives. Mais la plupart pensent, là j'essaie de résumer si vous voulez les théories, pensent qu'il s'agit d'une seule et même origine et que les différents caractères proviennent de l'influence du milieu ambiant qui ont donné des caractères physiques un peu différents. Ce ne sont pas des négroïdes, ce ne sont pas des mélanésiens, on leur a donné d'ailleurs une définition particulière, ce sont les australoïdes, on les trouve qu'en Australie. Comment débarquer les flottes anglaises, avec l'Australie avait été choisie comme lieu de déportation des prisonniers qui encombraient les prisons de Londres. C'était le début de l'Australie. Alors, c'était un premier contact qui était relativement cordial. On peut imaginer la surprise des aborigènes en voyant débarquer des hommes habillés avec des fusils, une technique tout de même très avancée, qui n'avait rien à voir avec la leur. Au début, ça s'est bien passé, mais alors évidemment, les Européens ont besoin de terre, n'est-ce pas? Ils ont amené des animaux, ils ont commencé à vouloir cultiver, à déboiser, à amener du bétail. Il leur fallait des terres, et ces terres, bien sûr, étaient aux aborigènes. Alors, c'était le début du conflit. Les aborigènes ont commencé par tuer quelques vaches, quelques moutons, hein, plus c'était de la viande. Et alors, il y a eu des représailles. On a été jusqu'à empoisonner les points d'eau, enfin il y a eu des massacres atroces. À cela s'est ajouté des maladies qu'ils ignoraient, contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés, ce qui a fait un ravage considérable. On les a repoussés vers l'intérieur. Vers 1920, on a commencé à s'inquiéter sérieusement quand même de leur survie. On a créé des réserves aborigènes. Alors ces réserves aborigènes, on les a situées... généralement dans leur territoire tribal, de chaque tribu intéressée habituellement. Mais dans bien des cas, en ce qui concerne les aborigènes des côtes, ceux qui survivaient encore, eux, on les a carrément repoussés, on leur a donné un territoire qui ne leur appartenait pas. Mais à l'intérieur, on leur a laissé leur propre territoire. Alors c'était d'immenses territoires désertiques qui apparemment n'avaient aucun intérêt, n'est-ce pas, n'avaient aucun espoir de développement un jour. Et alors c'est l'ironie de l'histoire, c'est que ces terres désertiques qui avaient jusqu'alors condamner un peu l'Australie au chapitre des terres stériles et sans avenir, finalement, regorge de richesses. La richesse de l'Australie se trouve dans son sous-sol, et précisément, généralement, dans des zones désertiques. Et j'ai souvent, dans les lieux où se trouvent maintenant des réserves aborigènes. Alors, on les avait reléguées dans ces territoires, et maintenant, on découvre que c'est rempli de richesses. Alors, c'est un nouveau sujet, actuellement, de non pas de dissonance, mais pas de conflit ouvert, si vous voulez. Mais maintenant, ça devient un conflit politique, parce qu'entre-temps, les aborigènes ont évolué, bien sûr, et ils revendiquent le droit de leur terre. À un moment, il y avait une tribu du centre-sud de l'Australie qui avait été expulsée pour permettre l'installation d'un site d'expérimentation de fusées. Jean Guillard. Quand le site a été fermé après l'échec de la première fusée Europa, on les a laissés retourner. Ça n'était plus couvert par le secret de la défense nationale. Ils ont immédiatement loué des cars. Ils ont mis tous leurs gosses dans l'équerre, tous les garçons. Ils sont allés aux endroits où ils pouvaient faire l'initiation pour la faire, parce que l'initiation consiste à raconter toute la mythologie, mais en allant soi-même à tous les endroits. On ne peut pas la faire in abstracto. Il faut aller du point où le serpent arc-en-ciel a commencé jusqu'au point où il est arrivé, en passant par tous les points où il était sous terre, où il est sorti de terre pour respirer ou boire de l'eau, enfin, etc. Tout le mythe doit être suivi par les groupes de jeunes gens avec les hommes âgés, et on ne peut pas le faire autrement. Et la première chose qu'ils ont pu faire, c'est ça. Et alors ils l'ont fait. Et ça donne un certain aspect pas très connu, qui est celui que le problème de la rationalité ou de l'irrationalité n'a pas d'importance pour eux. Pour eux, ce sont des systèmes de symboles, comme pour nous, mais ces systèmes de symboles sont liés à leur existence même, et s'ils les abandonnent, ils disparaissent. C'est comme ça qu'ils le conçoivent. Et alors, le problème de la contradiction, de la non-contradiction avec l'enseignement européen, les écoles, l'économie monétaire et tout ça, n'existe pas à cause de ça. Nous avons quitté la station de Gurunji parce que nous y étions mal payés. Et nous sommes venus ici, dans cet endroit. Pour notre peuple, c'est un lieu sacré. Le foyer de nos esprits du temps du rêve. À l'arrivée des premiers Européens, ils étaient dispersés sur tout le territoire. Dans quelle année ça? En 1788. Il n'y a pas très longtemps, en fait. Il n'y a pas 200 ans que l'Australie vraiment a pris naissance, en fait. Ça a été découvert par le capitaine Cook un peu plus de 20 ans plus tôt. Ils étaient à cette époque, il est difficile d'établir des statistiques, on estime qu'ils étaient environ 350 000. Estimation qui est fondée sur quelques points de repère de l'époque. Les premiers chercheurs, en particulier Spencer et Guillen, qui ont été les premiers à les observer, avaient dénombré à l'époque, je pense, dans les 630 tribus et près de 500 dialectes. Par conséquent, voyez, il y avait une diversité assez étonnante. Mais néanmoins, les tribus, c'était des petits groupes d'individus, ce sont des gens nomadiques. Alors évidemment, ils avaient des conditions de vie assez différentes. Ceux qui vivaient près des côtes et ceux qui vivaient à l'intérieur des terres, évidemment, ils avaient une vie totalement différente. Personnellement, je me suis intéressé surtout aux aborigènes du centre de l'Australie, qui étaient des grands nomades. Ils se déplaçaient selon un circuit annuel à la recherche du gibier et de l'eau. Sauf l'été où ils nomadisaient beaucoup moins, ils se réunissaient autour de points d'eau permanents. Autrement, ils se déplaçaient complètement, c'était la chasse et la cueillette. C'est-à-dire, ils n'avaient pas d'élevage, ils n'avaient pas d'agriculture, ils n'avaient pas de maison, même pas une hutte, enfin on appelait ça la wiltia, sans quelques branchages entrecroisés sous lesquels ils se glissaient, ils s'abritaient dans les cavernes. Leur outillage est extrêmement rudimentaire, ce qui les a apparentés très vite au paléolithique. Effectivement, il représente assez bien l'idée que nous faisons de cette période de l'existence de l'homme. Pour tout outil, ils avaient, si vous voulez, le boomerang pour la chasse, le boomerang, le womora, qui est un propulseur de flèches, mais néanmoins deux instruments, deux outils très, très particuliers qui surprennent. par leur astuce, parce que le propulseur de flèche, par exemple, on connaît que le propulseur permet de décupler la force du bras et d'envoyer beaucoup plus loin une flèche ou un javelot. C'est quand même déjà intéressant. Et c'est finalement plus complexe qu'un arc. Et à travers, justement, les recherches qui ont été faites ultérieurement, on a découvert que c'était des gens qui étaient particulièrement structurés. Ils avaient une sérénité, un respect de la nature, un respect de l'être humain. Ils se battaient, mais assez peu. Aussitôt que le sang coulait, on s'arrêtait. Il ne fallait pas qu'il pleuve, bien sûr, on ne se bat pas lorsqu'il pleut. Ils adoraient les enfants, ils avaient tout un système d'initiation. Et c'est à travers leur croyance, d'ailleurs, que l'on découvre le mieux la raison de leur sérénité. Lundi 3 octobre, 14h. Maurice Jupurula Luther, de la tribu des Walpiri, et Suzanne Paget devant la peinture au sol réalisée pour le musée d'art moderne. Very important for Aboriginal people in that part of the country. Yeah, it's right in the centre of Australia. It's in a desert country, and what you see there, the circles of the painting represent the main important places, and the importance of places for dance and ceremony, and the snake dreaming. I mean, the way of circling represents the travelling of the ancestors or heroes in those days. La peinture, en fait, c'est exactement ce qu'on voit sur les boucliers. Et c'est-à-dire qu'il y a deux, c'est une peinture curviligne avec deux centres importants aux deux extrémités qui représentent les deux centres, les deux lieux sacrés. Et les lignes curvilignes intermédiaires représentent sont des formes, enfin, un peu serpentéiformes, et qui représentent l'itinéraire entre les deux lieux, et ça reprend une topographie héritée depuis le Dreamtime, puisque ça représente le voyage souterrain des divinités entre ces deux lieux sacrés. C'est ce qu'ils ont réalisé ici. Et le serpent en question étant le serpent Birndina. Quelle matière ? Alors c'est fait avec... ça, j'ai pas vu de très près. Il y a de l'ocre, de la chaux, de la peinture blanche aussi. Et puis donc, le matériau de base, c'est la terre un peu ocre. Un seul dessin, de quelle dimension ? À peu près 4 mètres. Selon vous, c'est la même chose, le même dessin qu'on trouve ici que là-bas, en Australie ? The painting is exactly what we do in Australia. La peinture est exactement ce qu'ils font en Australie. For the painting that we got here, the approval of the tribal elders, this painting is owned by certain people. There are managers traveling with my team, you know, with this team, who owns the painting and cannot be given to anybody else. Thank you. Comment peut-on situer un tel dessin par rapport à la civilisation aborigène? Bah, ça, c'est la clé du rapport à la Terre, c'est-à-dire... Barbara Glosewski. Les hommes sont liés à la Terre par ce qui s'appelle le rêve, et le rêve s'exprime par la peinture, d'abord par les rêves, ensuite par la peinture, par les danses, par les chants, et il n'y a pas tellement de choses à commenter, parce que vous avez vu et vous avez entendu... De loin, on voit des sortes de pastilles blanches qui forment la trame du dessin. Oui, bah ça, c'est la peinture traditionnelle aborigène. Ce qu'ils appellent le temps du rêve éternel, c'était un temps qui au-delà du présent, du passé et du futur, c'était plutôt sous un... Il faut considérer le temps éternel, le temps du rêve comme une notion philosophique, si vous voulez, c'est l'immutable. Il y a une chose immuable, c'est dans la vie, c'est ce passé, ce présent, ce futur, pour eux, ça forme qu'un tout. Et à cette époque mythique, des grands ancêtres, de qui tout procède, descendirent sur la terre, et créèrent tout d'abord les formes de la terre, les vallées, les rochers, les montagnes et les animaux géants, des kangourous géants, des émeus géants, etc. Et l'aborigène pense que ce sont leurs ancêtres, n'est-ce pas? Ils descendent de ces lieux, ils descendent de ces animaux. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, il y a toujours des aborigènes qui sont attachés au totem kangourou, émeu, wallaby, lézard, n'est-ce pas? Et ils sont... C'est leur représentation totémique. Ils sont liés à travers ça avec le churanga, qui est une pierre sacrée, qui est à peu près leur double, si vous voulez, sur laquelle se trouvent inscrits les signes kabbalistiques, qui sont en fait la représentation de cet animal ou de cette montagne. Et évidemment, c'est assez difficile à déchiffrer, parce que très souvent, ils ne représenteront pas l'animal. Si vous êtes, par exemple, lié au kangourou, un homme kangourou, on ne verra pas un kangourou sur ces churangas, mais par exemple, des traces du kangourou, de sa queue, de ses pattes, voyez-vous. Ce qui donne des dessins, d'ailleurs, assez jolis et qui sont assez difficiles à définir. Si vous voulez, en gros, ces hommes vivent d'une façon intense avec la nature. Pour eux, ce désert n'est pas un désert aride, n'est-ce pas hostile. C'est un lieu où chaque aspect du paysage a pour une signification précise. C'est un temple, si vous voulez. C'est un grand temple, c'est le temple de l'univers. Et c'est pourquoi ils ont atteint une intégration totale avec la nature. La foi aborigène est une foi profonde. Et je pense précisément que jadis, l'aborigène qui avait subi ces épreuves d'initiation avait acquis ses croyances d'une façon totalement indélébile de son esprit. Now I want to tell you a story of how the land was formed by Aboriginal mythology, like, you know, how the Aboriginal people see in Australia. Maintenant, on va vous raconter une histoire pour vous expliquer comment la configuration du sol a été faite dans cet endroit à travers la mythologie aborigène et la croyance qu'ont les gens pour la formation de ce territoire. This particular mountain is called Mount Termination. Le nom de cette montagne que lui ont donné les hommes blancs, qui est dans le sud. C'est l'Australie du Sud, donc vous êtes 600 km au nord d'Adélaïde. C'est ce qu'on appelle les Flinders Ranges, c'est la région d'où vient Cliff. Oui. C'est une partie des Flinders Ranges. Toute l'histoire va se dérouler à peu près sur 100 km. On commence avec ce mont et on va terminer 100 km plus loin au sud. And the like I said, the white man calls it Mount Termination, but the Aboriginal people call it Yulu. Le nom aborigène de cette montagne est Yulu. And that is the name of the kingfisher bird, Yulu. C'est le nom du martin pêcheur, l'oiseau. And there's two stages of initiation. There's the first stage and the second stage. Il y a deux étapes dans l'initiation. And the first stage man is called the turkey man. And the second stage is called the Yulu, the kingfisher man. Le premier stade dans l'initiation est appelé le stade des dindes, les hommes dindes. Et le second stade de l'initiation, les hommes deviennent des hommes martin pêcheurs. This story starts back when there was no Flinders Ranges. Le début de l'histoire commence quand le sol était entièrement plat, qu'il n'y avait pas du tout de montagne à la surface. And this is where the Yulu man stayed. This is his spot. This is his sacred ground. C'est l'endroit où l'homme Yulu, l'homme initié seulement se tenait à l'origine des temps. And when you see this mountain, it's a certain time of day because of the shadow and the mountain itself. It's the shape of the kingfisher, the bird. Quand vous regardez cette montagne d'un endroit, sous un angle spécial, avec une certaine luminosité et les ombres sur le sol, ça a vraiment la configuration d'un martin pêcheur. And the Yulu man had to always go to all the ceremonies because he was the leader of the tribe. L'homme Yulu, l'homme initié donc, était obligé de participer à toutes les cérémonies parce que c'était le premier et le responsable, l'homme responsable de toutes les cérémonies, le premier homme initié. And this particular time, he had to go down to a place we call Wilpena Pound, which is 100 kilometers south from here. Pour cet endroit, pour cette circonstance-là, il devait se rendre à 100 kilomètres au sud, un endroit qui s'appelle Wilpena Pound. So he went to a place which the white man called Lee Creek today. Il s'est rendu à un endroit que les hommes blancs appellent Lee Creek. Il a fait 5 feux avec une fumée très dense et qu'on pouvait voir jusqu'à 100 km, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où il devait se rendre pour accomplir le rite. And this is Lee Creek where they mine for coal. C'est la ville de Lee Creek est une ville où on a des mines de charbon depuis que les blancs sont installés là-bas. And as he went down, he went past a small town called Copley, where he's seen the two serpent snakes. Et il est descendu plus bas vers une petite ville qui s'appelle Copley, où les deux serpents l'attendaient. Il est passé entre les deux serpents et il a continué à descendre plus au sud pour faire sa cérémonie. Alors c'est la raptation des serpents sur le sol qui a formé les différentes rites de Flinders Range. And as he went into the area which is called Wilpena Pound now. Quand il est arrivé à l'endroit qu'on appelle Wilpena Pound maintenant, il a effectué la cérémonie rapidement. And he said to the people that have to go because the two akuras are coming, the two snakes are coming. Il a prévenu tous les gens qu'ils devaient s'enfuir parce que les deux akuras, les deux serpents, le suivaient de très près. And the two snakes ate all the people except two, like the two that got away. Les serpents ont mangé tous les gens qui étaient là, sauf les deux qui avaient pu s'enfuir. And laid in a circle. Et ils se sont enfermés. Enfin, les serpents ont formé un cercle avec leurs deux corps. Which form Wilpena Pound. Qui forme maintenant Wilpena Pound. C'est à peu près un diamètre de 20 km. And the two men that got away were the first stage, the turkey man. Les deux hommes qui ont réussi à s'échapper étaient l'homme de la première étape de l'initiation, c'est-à-dire l'homme d'Inde. And the kingfisher man, the Yulu. Et Yulu, l'homme martin pêcheur. And they also formed into a rock, which I haven't got a slide of. Et ils se sont transformés eux-mêmes en rochers. Le premier rocher était un rouge assez vif, assez clair, qui représente l'ocre rouge du premier stade de l'initiation. And the second one was dark red represents blood for the second stage. Et le deuxième était d'un rouge plus foncé, soutenu, qui représente le sang dans la deuxième étape de l'initiation. And then you look at Wilpena Pound. Our people look at Wilpena Pound, where the two snakes form the walls of the pound. Nos gens considèrent Wilpena Pound comme un endroit formé donc par le corps de deux serpents. Back at Lee Creek, where the Yulu made the fire, there's a big mining town. Alors, quand on revient à Yili, il y a à Lee Creek, il y a les mines de charbon qui ont été installées par les Blancs, et où les hommes ont sorti le charbon, qui était en fait les résidus du feu qu'avait allumé l'homme Martin Pêcheur. Well, that's how our people see all over Australia. You see the rock paintings. Voilà comment notre peuple voit toute l'Australie à travers ces histoires et à travers ces peintures et ces gravures que sur parois rocheuses que vous avez vues. And the land, you see the story in it. It's like a book. Pour nous, la terre se lit comme un livre. And our people still live off that land in that sense of like the living tribal. Et notre peuple voudrait toujours vivre sur sa terre. Thank you. tout est lié au fait qu'on a toujours une origine pour quelque chose. Tout rocher, tout arbre, toute grotte, tout groupe d'habitats végétaux, tout groupe d'animaux, de poissons, de crocodiles, de requins, de marsouins, enfin, qui ont des habitudes quelque part, ont une origine dans la mythologie. Et le mythe raconte toujours quand ça a commencé, quand on a mis la tortue à tel endroit, quand on a mis les kangourous à tel autre, etc., etc. Et alors, la religion que certains auteurs ont considérée comme étant très matérialiste consiste à assurer d'abord le contact avec les ancêtres, avec les morts, qui sont plus ou moins divinisés, pour les morts masculins en tout cas, et puis assurer que toutes les espèces, là où elles doivent être, doivent les rencontrer, là on peut les chasser, là on peut les ramasser, les sortir de terre, si ce sont des espèces végétales, soient exactement là. Donc on fait des rites pour ça, ce qu'on appelle des rites de multiplication. Et puis alors il y a les rites dits historiques, qui sont les rites de reconstruction du passé, où on joue ce passé, non pas par des scénettes, mais par des espèces de grandes mises en scène qui durent des semaines, parce qu'il faut se transporter toujours à tel endroit. Là, on n'a pas une scène à un endroit précis, on fait une scène un jour à un endroit précis, une autre scène à un endroit, c'est en général à la fin d'après-midi, parce qu'il fait beaucoup trop chaud au milieu de la journée. Alors pendant ce temps-là, sur plusieurs semaines, les jeunes gens apprennent tout ça. Ils apprennent les chants, ils apprennent les mythes, ils apprennent, et tout ça c'est en forme mnémotechnique, ils apprennent tout ça, et comme ils ont une très bonne mémoire, enfin, même ceux qui sont urbanisés ont gardé une très bonne mémoire pour le moment, elle n'est pas encombrée de tout ce que nous y mettrions. Ils se souviennent, ça se transmet très bien d'une génération à l'autre encore aujourd'hui. Mais il y a eu des phénomènes nouveaux, il y a eu des mouvements prophétiques à certains moments qui ont transformé un peu les rites dans toute une région, qui étaient des mouvements de résistance à l'implantation européenne ou à la christianisation. Et ces mouvements se sont établis comme des choses traditionnelles aujourd'hui. Il y a une suite, il y a des descendants qui manifestent maintenant régulièrement des mythes qui ont été, des rites et des mythes qui ont été arrangés, transformés ou inventés il y a un demi-siècle. D'où le très grand nombre d'images, de fresques. Ah oui, les fresques. Alors les fresques, c'est très important parce que là où il y a des fresques, elles étaient renouvelées chaque année. C'est-à-dire on a des couches successives indéfinies qui font, parce que le rite consiste, quand on a une fresque qui représente un kangourou, qui représente un homme, pour que les humains soient suffisamment nombreux, il faut venir repeindre la fresque. Pour que les kangourous soient suffisamment nombreux, on vient repeindre les kangourous. Alors, on le repeint approximativement. C'est pas une copie. Alors, les contours de la fresque changent à chaque année, comme ça. Et bon, c'est... ailleurs, où ils ne faisaient pas de fresques parce que les conditions ne s'y prêtaient pas, parce qu'il n'y avait pas de grotte, etc., c'était des trucs, des grands dessins qui étaient à plat sur des rochers, plaques rocheuses, et qu'on repassait avec le doigt en mettant de l'ocre, ce qui était une façon... c'était peint aussi, mais il n'y a plus d'ocre parce qu'il pleut, il pleut toujours. Alors ça part. Mais... l'idée était toujours que quelque chose qui est peint ou gravé, on doit repasser sur le dessin une fois par an pour ces rites. First, you could see all the lines along the top. That represents how the ceremony first started, where the elder man... Tout en haut, nous avons des petites lignes les unes à côté des autres, des petits bâtonnets, si on peut les définir ainsi, qui représentent le départ d'une cérémonie et qui représentent des hommes avec des jeunes garçons. So the elder man is right up in the lead where he goes through the camp, and as he goes through with the young young boy that's to be initiated. Alors les anciens sont devant et guident les jeunes garçons à travers le camp pour les emmener pour les initier. And all the other young initiated boys follow along behind in a trail. Les jeunes garçons suivent derrière dans une en file indienne. And that all that line, all them lines along there is in charcoal. Tous ces dessins sont effectués avec du charbon de bois. And the tracks, the emu tracks, are in red ochre. Les traces qui sont au milieu, qui sont des traces de pattes d'émeu, sont faites avec de l'ocre rouge. Now, as the line goes down, it comes down this way. Alors on suit de la gauche vers la droite. And they are coming into the ceremony. Alors là, ils s'approchent du lieu d'où va se tenir la cérémonie. And then just in there, backward, good. You'll see all the boys on one side, all the uninitiated boys on one side. Alors à partir de là, tous les garçons sont d'un seul côté. And all the tribal men, like the initiated men, on the other side. Et les hommes initiés leur font face et sont d'un autre, juste en face d'eux de l'autre côté. And all the young boys that are uninitiated throw stones, boomerangs, you know, all sorts of things at the men. Et tous les jeunes garçons non initiés envoient aux hommes qui sont en face d'eux des boomerangs, des pierres, des morceaux de bois et tout ce qu'ils peuvent ramasser sur le sol. The reason for that is that because the men are taking away one of their boys into making him to become a man. La raison pour cela, c'est que les hommes vont emmener quelques-uns de ces jeunes garçons pour les initier et qui feront donc plus partie des jeunes garçons, mais qui deviendront des hommes et ils seront séparés de leur groupe. Then the young boys and the women and the ladies. Ensuite, les jeunes garçons et les femmes all gather in that circle. Sont tous rassemblés dans ce cercle là qu'on vous montre les doigts. And they're covered with the men, the tribal, like the initiated men around. Et ils sont encerclés par les hommes initiés qui se trouvent autour d'eux. And further up, you'll see another circle, the same. Un peu plus haut, il y a un autre cercle qui a la même signification. And then you got the spear with all the feathers, which is used at the ceremony. On a la lance avec décorée avec des plumes qui est utilisée dans la cérémonie. And this is when the sacred part starts, which is when the initiation is actually taking place further up. C'est à partir de ce moment que les dessins ont une très grande sacralité. C'est là que commence l'initiation en elle-même. And in between, they've got animal tracks, which is like kangaroo and emu tracks. Entre les différents dessins, il y a des traces d'animaux, des traces de kangourous, des traces d'émeus. That identifies when it was time for meal. Like. Et c'est la signification des endroits où on s'est arrêté pour manger. Because the initiation took part over a period of a week or 2 weeks. Parce que l'initiation s'étend sur une période d'une semaine à deux semaines, selon les endroits. Et les peintures rupestres se rencontrent en Australie, dans différents endroits de l'Australie. Il y a un grand arc qui part de l'Australie de l'Ouest, qui fait tout le nord australien, et jusqu'à la côte Est. Alors, ce sont des peintures sur un bris sous roche, n'est-ce pas? Il y a différents styles, il y a deux principaux styles, il y en a même plusieurs, mais pendant Arnhem Land, il y a ce qu'on appelle le style Mimi, c'est un style extrêmement dépouillé, ce sont des petits personnages qui ont été tracés d'une main très, très alerte, extrêmement vivante, on a l'impression que ces gens vont bouger. Hein. Et puis il y a un autre style qui lui est beaucoup plus statique, qui représente souvent des personnages ou des animaux avec ce qui intéressait l'homme qui les a peintes, c'est-à-dire l'intérieur de l'animal. Et on voit souvent ce qu'on appelle ça le style rayon X, le style radiographique. C'est-à-dire on aperçoit tous les organes, par exemple, d'un kangourou ou d'un homme. Et ça, c'est lié à leur croyance, à leur religion totémique. Alors, ces fresques sont remarquables. Elles sont innombrables, innombrables. Alors, rien que dans la péninsule du Cap-York, on a dénombré 200 grottes. Avec des fresques qui sont fort belles. Dans le nord de l'Australie, il y a également dans la région de Arnhem Land, dans les Kimberley, il y a d'innombrables peintures rupestres. Tous les ans, on en découvre de nouvelles. Alors, elles remontent, certaines sont très anciennes, et d'autres sont relativement récentes, puisque la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours. J'ai vu un aborigène, par exemple, un jour me dessiner, dans une grotte d'Arnhem Land, un petit dessin mimi. J'étais en admiration devant le dynamisme d'un personnage. Eh bien, il a craché dans de l'ocre, il a pris un petit bâton, il m'a refait à peu près le même personnage. Leur tradition a été très vive jusqu'à ces derniers temps, jusqu'aux 10 dernières années. Il y a eu une évolution, si vous voulez, depuis 70. Jusqu'en 70, il y avait des groupes d'aborigènes qui étaient extrêmement attachés à leur tradition, à leur culture, et qui la transmettaient à leurs enfants à travers les épreuves d'initiation. Le totémisme australien est, je crois, la forme de totémisme la plus pure qu'on puisse rencontrer. Comme nous l'a raconté Cliff Coulthard de la tribu Anamata, comme nous le dira Gawirin Gumana de la tribu Dalwanga, la relation entre peuple et terre est un thème fondamental dans la religion des aborigènes et dans la relation sociale en général. Le peuple hérite de droits et de devoirs envers une terre bien précise, par ses pères. Hérité des êtres surnaturels qui ont fondé l'ordre de l'univers au commencement des temps, ces droits se sont transmis de génération en génération par la lignée mâle. La responsabilité d'une terre implique qu'on en prenne soin à travers les cérémonies sacrées appropriées, dont certaines sont ouvertes au public et d'autres intérieures, c'est-à-dire gardées strictement secrètes. Ces rites ont été prescrits au commencement par les esprits qui étaient eux-mêmes et resteront pour toujours partie spirituelle intégrante de cette terre. We always contract one another. That's where we are living in a par. Like I'm living in Gangan area or Irkalla, but some people are living wide distance, like Evola and Alcoala. Alors nous sommes toujours en contact, même si on vit à part. Moi, je vis à Yerkala, mais il y a d'autres gens qui habitent à d'autres lieux qui sont assez loin, mais on est toujours en contact. And when something business going on, and we all of us contract one another. Alors, quand il y a des affaires à discuter, tout le monde se met en contact. Il fait référence aux rites religieux. One ceremony and things is over, and then afterward we talk it over. Gawirin Gumana. And then make them understand our young people. It's continuous ceremonies, really. Alors, il y a des cérémonies presque continues, et quand la cérémonie est finie, Sean Benson, on en parle et on explique ça aux jeunes. And for this door, we saw all people first, and people they make it agreement for sentiment to hear, to bearers. Alors pour ce tour, on a d'abord parlé de ça avec les vieux, et c'est eux qui ont donné l'accord pour qu'on vienne ici. And they said to me, you take this my people and also a material with you, and I got things from the old people. Alors il a dit, vous allez prendre ça d'ici et des choses de mon peuple aussi. Excuse que tout d'abord, il pourrait décrire ou essayer de décrire les, ces cérémonies? Oui, sometimes it is passed on to the to other young community. Alors, c'est une cérémonie qui va de génération en génération, on passe ça d'autres communautés. When do you have the ceremonies? What reasons? We have for many ways. One is a circumcising ceremony. Il y a des cérémonies de circoncision. And also one, what you call mortuary or death ceremony. Oui. Il y a des cérémonies pour la mort. And last, we have really, I can't explain to you. Only a man can understand. Alors, et dernièrement, il y a une cérémonie que je peux pas vous expliquer parce qu'uniquement les hommes comprennent ça. But lots of ceremony publics in my way. Alors, il y a beaucoup de cérémonies qui sont publiques dans ma région. And all the Dalango and others tribes, they always contact me and ask me for help. Alors, toutes les tribus d'Alawar et les autres tribus me contactent régulièrement et me demandent de l'aide. So they can get the help from me because myself is a cultural founder in a past residence. Cultural foundation. Alors il me contacte et je peux les aider parce que je fais partie d'une fondation culturelle. Ils ont également leur propre langue. I got my own language, but some languages I understand. For others, I'm moiety. Moi, j'ai ma propre langue, mais je comprends d'autres langues aussi. De cette région. We got two moiety, what we call Doa and Irija. Je vois bien la fondation, c'est un intermédiaire entre le clan et la vie extérieure. clan always to me and to my people always like a mate or what you call it, or friendly. And we always communicate one another, every different clans. You always cooperated. Alors pour moi, c'est le clan est très important. C'est un lien d'amitié et il y a beaucoup de contacts et d'aide entre les membres du clan. Sometimes when we tour to other worlds, like dancing groups and also the even a painting like a park painting and artists. And that's why that I always could to for other people and they could put to me and to my people. Alors il y a les tours de danse et pour la peinture aussi. Il y a une règle matrimoniale qui implique qu'on se marie avec la cousine croisée, c'est-à-dire la fille du frère de la mère, ou avec la fille de celle-ci. Votre fils se marie avec la fille de celle-ci, mais avec un certain nombre d'interdits accessoires. Mais ces règles ne sont pas entièrement respectées. Ce qui se passe, c'est qu'on épouse la fille qui est sous la main. Ce n'est pas des groupes très importants. Et ensuite, on recase l'épouse dans la génération voulue, dans la catégorie de parenté voulue, pour que ça colle avec la règle. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un système qui est beaucoup plus complexe qu'un système prescriptif, parce que le système prescriptif ne marche que dans les conditions démographiques idéales, lesquelles ne sont jamais établies. Donc ils ont depuis toujours arrangé leurs affaires, et bon. Et qui est le protecteur de la règle ou de la loi ? Ah, ce sont les personnes âgées. C'est un gouvernement par les personnes âgées, les hommes et en partie les vieilles femmes. Enfin, y a, les vieilles femmes jouent des rôles très importants dans tous ces pays. Et... Mais les jeunes gens à la fois acceptent l'autorité des personnes âgées parce que c'est ça qui fait survivre tout, et en même temps ils la contestent parce que l'activisme politique est plus ou moins bien vu des personnes âgées. Alors, il y a une contradiction aussi là, mais comme encore une fois ils s'arrangent très bien de vivre sur deux plans, la contestation des personnes âgées va très bien avec l'autorité qu'on leur reconnaît. Sinon que c'est les jeunes qui font de l'activisme et pas les vieux. Ou les vieux se laissent entraîner, mais ce n'est pas eux qui jouent le rôle dynamique. Et ils interviennent quand ils estiment que c'est à eux d'intervenir. Il y a deux questions qui m'intéressent. D'une part, il y a un certain nombre d'interdits, avez-vous dit. Oui. Et ensuite, quel est le rôle des femmes par rapport à ces interdits et par rapport aussi aux prescriptions matrimoniales? Ah ben dans tous ces pays-là, les femmes jouent un rôle énorme parce que vous avez un gouvernement par les vieillards hommes, mais toutes les femmes influencent leurs maris. Et les hommes discutent, mais font rapport ensuite à leurs épouses. Et alors les épouses jouent un rôle déterminant dans la décision sans que ça apparaisse visiblement. Et comme dans toutes les sociétés du monde, quand il s'agit de mariage, les femmes commencent à s'en mêler. Ça, c'est absolument inévitable. Et là comme ailleurs. Alors les interdits, il y a des catégories qui sont interdites en principe. C'est une société à parenté classificatoire, donc vous appelez mère toutes les sœurs de votre mère, vous appelez père tous les frères de votre mère, et vous appelez sœur toutes les cousines qui ne sont pas permises matrimonialement. Alors il y a des cas où on est gêné parce que bon, il n'y a pas la fille du bon âge possible pour se marier. Alors, on est obligé de déclassifier. C'est pour ça, c'est la nécessité de déclassifier les femmes pour que d'une catégorie interdite, elles passent dans une catégorie permise. Alors ça fait des discussions qui durent des semaines. C'est pas des sociétés où on recherche l'affrontement. S'il y a une décision, bon, on attend jusqu'à ce qu'un consensus se dessine. Quand le consensus se dessine, alors les vieux messieurs se rassemblent et prennent la décision. Mais à moins qu'il y ait un cas de force majeure, quelqu'un qui a un affrontement avec un blanc, quelqu'un qui a tué quelqu'un, il faut prendre des décisions tout de suite parce qu'il y a le monde européen qui se met à influencer et à vouloir une décision tout de suite. Alors là, ils sont bien obligés d'aller plus vite. Il a appris l'anglais. I just learned in the summer. I didn't have a school myself because I born in bush and a crop. Je l'ai appris comme ça. J'ai jamais été à l'école parce que je suis né dans la brousse. Est-ce qu'il peut parler de son enfance? It's a bit typical, but I understand from my mother and also from my father, I was the little one, was in the bush, born, and up to 12 or 6 years. I mean, 12 or 13 years old. And then I went to a mission called Irkalla. Alors, c'est un peu difficile d'en parler, mais d'après ma mère et mon père, je suis restée dans la brousse jusqu'à l'âge de 12-13 ans, et à cet âge-là, je suis allée à une mission à Irkalla. That was during the last World War. C'était pendant la dernière guerre mondiale. Ça veut quoi pour lui, la dernière guerre mondiale? Protestante. To people and to me, it was a bit typical to understand, because I was been fighting Australian and Japan and all the others. C'est un peu difficile à comprendre parce qu'on se battait les Australiens, les Japonais et tous les autres. C'est uniquement les Aborigènes qui étaient bombardés parce qu'ils étaient au nord. Now I'm gonna go in and bush more than now the thing or guy and ble ka wo mereo mere mere wangai langara marchin michin lo ka una longara michin ra la mangit pin half english ko dar ko ka wa ap jeng ra ko mangit pin ko na tin ko nan balanda ka yul ngo ramangin balanya mere Munan nawe kanan balanda ka yurmo marcin wo mere wange mere mere ka kurkun ara mangit tina ya krat tina mari la la hap ngara ko mangit tina do na ko rom ko numalang kalang ngo balanda lang ngo ka yurmo arakin kalang ngo rom ko. Je comprends un peu, mais par les verbes, c'est une langue assez complexe. Alors, ce qu'il avait dit dans sa langue, c'était que quand il était petit, il grimpait dans la brousse. Après, il apprenait des cours de sa mère et de son père et de ses grands-parents, et qui n'a jamais été à l'école, sa mère non plus, son père non plus, et que maintenant, il est à l'école. Son père et sa mère. My father used to taught me how to be make it spear and armor and also how to be a hunt and singing and dance. Mon père m'a appris comment faire les épées, les choses pour la chasse, comment chasser. And also my mother used to taught me or told me how to always help myself from the other tribes, for other tribes. Alors ma mère m'apprenait comment il fallait me comporter, pas comme les autres tribus. And also my mother taught me how I can have when I get married and then I can look after my wife and my children. Alors ma mère m'a appris ce qu'il fallait faire au moment où j'allais me marier, ce qu'il faudrait faire pour m'occuper de moi-même, de ma femme et de mes enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Well, that's I can treat like exactly like what treat me with my mother and my father, and I can treat my wife exactly way, and even my children. And if they understand what is up to them, if they can understand my what I'm saying to them, mm-hmm. it's up to them, to my children. Alors, il faut les traiter exactement comme mes parents, ma mère et mon père. Et pour les enfants, c'est pareil, il faut qu'ils comprennent. And some of my children, they take my words and action. And same way, like myself, was been working for people, and they always looking at my family side, like my son and my daughters. She working in the office near for all community. Alors mes enfants s'occupent de la famille, mais ils pensent toujours à la famille, même ma fille. Elle travaille pour la communauté. Not only that, working in the Western way of the work, but even Aboriginal way, they stand. That's what the people are saying to me and to them. Même bien qu'ils travaillent de la façon occidentale, ils sont quand même exceptionnels. C'est ce que les gens me disent. And maybe later on they will take over or not. Et peut-être plus tard ils seront chefs aussi. Que fait un chef? I'll also leader for groups, my groups, and also the for some ceremony. C'est pas le chef politique auquel on pense quand on parle de chef maintenant, mais c'est plutôt quelque chose de plus vague, de plus spirituel. La personne doit également mener la danse et les rites dans les cérémonies. Et pour nous, ça serait plutôt un artiste. Mais Garan ne se considère pas comme artiste. My father used to tell me in the way I dream time in sisters equality or something like that. If you can correct me, Anthony. Mon père m'a parlé du rêve, de rêver le temps du rêve. It's a bit of a long story, but it's my sister. The story came from the water, and for the people. And water and they sowing us, and they sowing us a tents and a song and sound and music for people. And he said, you can use only this and this song or this ceremony for others. He always like that to every clans or tribes. Alors c'est une histoire un peu longue, mais ça vient de l'eau. Et de l'eau vient le son, la musique, la danse, les rites, et il faut les faire de cette façon-là. And also he said, if you are stole from other tribes, their ceremony, and you will be get caught or you will be get killed or something, anything. Il m'a dit également que si vous volez d'autres tribus, vous serez puni. Si vous volez les cérémonies d'autres tribus, vous serez puni. And that's why we are still continuing, because our parents was been or my parents was been told me how to be use our ceremony and culture, and I can this using only what my parents were saying. C'est pour ça que nous continuons, parce que mes parents m'ont dit c'est pour ça qu'on a cette cérémonie, cette culture. Vous peignez beaucoup, vous dessinez beaucoup. Quelles sont les images qui persistent? I used to be a good artist and a good painter, but now a little bit of painting, what my father used to tell me, and a little bit of telling a story with the artists, I mean with the painting and the carving. À un moment donné, avant, il dessinait beaucoup, il peignait beaucoup, mais plus tellement maintenant. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il dessinait? I draw something, for example, tortoise, freshwater tortoise, and then start with the red ochre, and then coloring mix with the water. And then we draw maybe animals, something like a turtles, mm-hmm. long neck turtles, a minala we call it. Alors, je dessinais par exemple une tortue d'eau douce. Je commençais avec le dessin après de l'ocre et je colorais un dessin comme ça. Après, je faisais peut-être une tortue au coulon. Et ça, on l'appelait ça, hein? What was the name of it? Mandala. Mandala. And they on put all the. It's a bit hard to explain more clear, because they told only sometimes on put white and red and black and yellow. That means he could tell a story with that painting. C'est un peu difficile à expliquer, mais des fois on mettait du blanc, du noir, du rouge, et comme ça on racontait l'histoire avec la peinture. Quelle histoire? Now I can't say. Ah, il peut pas. Il peut pas la dire. Que pensez-vous des aborigènes qui viennent à Paris reproduire ces dessins? Alors d'une part, ça ne les gêne pas de venir faire ça à Paris. Sur place, ça sera un peu différent. D'autre part, tout le mouvement des jeunes, de la jeune génération aborigène, est un mouvement qui essaye de s'exprimer à l'extérieur pour se faire connaître. Ils ne veulent plus être enfermés uniquement dans le sous-continent australien. Ils essayent, comme tous les peuples qui ont des problèmes, de se faire entendre d'une façon ou d'une autre de l'opinion mondiale. Alors ils cherchent à... et c'est pour ça qu'ils sont toujours d'accord pour venir, enfin s'il y a les moyens financiers pour leur permettre de venir. Alors comment réagit le gouvernement australien et quelles sont les revendications des aborigènes par rapport au gouvernement australien? Ah ben, le gouvernement australien, pour tout ce qui est culturel, réagit très bien, parce que je crois qu'il n'a jamais vu la nécessité de se disputer avec les aborigènes pour ces affaires-là. Et respecter le côté culturel, donner des moyens et même encourager, ça tend quand même à détendre l'atmosphère. Et puis c'est pas d'un coût économique exorbitant. Donc les Australiens ont eu l'intelligence de comprendre ça. Le grand problème des aborigènes, c'est un problème de terre. Puisqu'ils avaient tout le sous-continent et on les a mis dans des réserves. Et que ces réserves ont tendance à faire la peau de chagrin, comme tous les systèmes de réserves, dès qu'il y a une raison économique. Et les aborigènes australiens savent très bien que si, dans certaines régions, on est en train d'essayer de réduire la portée de leurs réserves, c'est parce qu'il y a des sociétés françaises qui y travaillent. Alors il y a un contexte là. Parce qu'il y a des mines, nous sommes intervenus soit pour de la bauxite, soit pour du minerai d'uranium. Et le fameux brown cake, qui est le minerai d'uranium déjà un peu travaillé, qu'on vend ou qu'on ne vend pas à la France, est produit par des sociétés françaises en Australie, sur des anciennes terres aborigènes. Et là, il y a des conflits. Il y a eu des... Ça s'est traduit au niveau de... comme aux États-Unis, d'ailleurs, il y a eu des plaintes aux tribunaux. Les tribunaux australiens sont obligés de se pencher sur les revendications foncières de certaines tribus aborigènes. Ça, c'est plus ou moins bien réglé. Alors, quand ça ne se règle pas, ça ressort, parce que les revendications aborigènes sont indéfinies si elles ne sont pas réglées. Mais, grosso modo, depuis 20 ans... Ils ont acquis des droits de citoyens qu'ils n'avaient pas. Ils étaient des protected persons, des sujets, des gens qui n'avaient pas de droits, qui n'avaient même pas de permis de travail. Ils n'avaient même pas le droit d'aller... comme c'est un système closed shop, c'est-à-dire il faut être au syndicat pour pouvoir avoir un emploi. Les syndicats n'en voulaient pas. Il a fallu se battre et c'est toute la communauté anthropologique d'Australie qui s'est battue pour que les syndicats changent de position. Alors maintenant, les aborigènes participent aux élections, ont des droits normaux. Mais par ailleurs, les réserves qui leur étaient affectées ont tendu à diminuer en surface. Et alors ils résistent, ils essayent de regagner, et c'est le vrai fond du problème. Ça, c'est tout l'activisme des jeunes gens tourne autour de ça, récupérer de la terre ou empêcher qu'on leur en prenne de nouveau. Les aborigènes d'Australie. Maurice Jupurula Luther, de la tribu Walpiri d'Australie continentale, Gawirin Gumana, du clan Dalwanga de la côte nord, Cliff Coulthard, de la tribu des Alawa de la côte sud, Sean Benson, Jacques Villemot, Jean Guillard, Suzanne Paget, Barbara Gloslewski, Michel Loiseau, Gilles Pézera, Jean-Paul Herbert, Pamela Dousseau, Jean Dève. Nuit magnétique. Bonsoir. Thank you.